malheureusement le Covid. Qu'à contact, je suis pas positif. Je suis. Mais en sursis, je suis. Je voulais te foutre en l'air. D'un autre monde, je rêvais à point fermé, toi fondant, qu'est-ce que t'en penses? Notre monde, à toi, sur la plage abandonnée, coquillage et crustacé. Thank you.

les effarer. Noir dans la neige, dans la pluie, au gras, rail, leur cuant. Sensation. Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers. Picoté par les bleus, les verres de nuit. Rêveur. À mes pieds, je laisserai le vent baigner ma tête nue. Je ne parlerai pas, je ne penserai rien, mais l'amour infini me mènera. Dans l'âme, et j'irai loin, bien loin, comme un bohémien, par la nature, heureux, comme avec une femme. Arthur Rimbaud. Sensation. Mars 1870. Sensation. Par les soirs d'été. On ne parlera pas, on ne pensera rien. Par la nature, heureux, Dans nos cœurs, dans nos corps, à travers les temps, l'espace, les continents. around the world, around the country. Amusons-nous, dansons maintenant. Yeah. Donne-moi ta main, camarade. J'ai 5 jours moins ici. We'll be right back. Keisha. Get mummy, there's no planes up in the sky.